Les petites histoires de Telming. Aujourd'hui, Karine et Arnaud vont vous raconter Les prisonniers des méchantes fées, le troisième épisode des aventures de Lenka et Anton, écrit par Sibylline. Dans les épisodes précédents, les petits elfes Anton et Lenka, frères et sœurs et même jumeaux, ont eu pour leur anniversaire un œuf. Il s'est avéré être un œuf de bébé dragon. Ils l'ont appelé Flibidu. Mais horreur, malheur, le petit dragon s'est sauvé dans la forêt des douces fées et il a été kidnappé par des fées qui ne sont pas douces du tout. Anton et Lenka sont partis à la recherche de Flibidu. Mais malheureusement, ils ont également été pris au piège par les horribles fées des filles et fées déçues. Anton et Lenka sont donc suspendus à un arbre dans un gros filet, juste à côté d'un autre filet dans lequel pendouille le petit dragon. Ils sont assez hauts au-dessus du sol, et même s'ils arrivent à sortir du filet, ils risquent une chute très très douloureuse. Flibidu, ça va? T'es pas blessé? Oh là là, Lenka, comment on va se sortir de là? Flou! En dessous d'eux, les deux méchantes dansent en secouant leurs cheveux gras. Elles touillent un chaudron qui sent les pieds avec une grande branche d'arbre. L'odeur monte jusqu'au filet et tout le monde fait la grimace. Fais des filles, on va les mijoter. Ouais, fais des filles, on va les mâchouiller. Lenka regarde son frère qui commence à paniquer un tout petit peu beaucoup. Lenka, j'ai compris ce que j'ai compris. Elles veulent nous manger. Non, ça doit être un truc de fée débile. T'inquiète pas, je vais arranger ça. Lenka prend son courage à deux mains et interpelle les deux drôles de dames qui s'agitent toujours autour de leur chaudron en épluchant des patates pourries avec leurs grands ongles. « Dites donc, vous, on peut vous aider si vous voulez. On aide toujours papa à la taverne pour éplucher les légumes. » La fée des filles et la fée déçue lèvent toutes les deux leurs yeux vers les filets. « Tu entends ça, fée déçue? Le dîner qui parle !» Oui, c'est fou ça, fée des filles. Descendons-les. Peut-être qu'ils connaissent des farces. Les deux fées activent une poulie magique qui fait descendre lentement les filets vers le sol. Le petit dragon agite ses ailes qui sont un peu emmêlées dans les mailles. Et Anton et Lenka regardent partout autour d'eux pour tenter de trouver un chemin par lequel s'échapper. Mais il faut se rendre à l'évidence. Ils ne connaissent pas le chemin de la maison et en plus, ils se souviennent que les fées n'arrêtent pas de mélanger les sentiers de la forêt. Ils sont sûrs de se perdre. Il va donc falloir ruser pour se sortir de ce mauvais pas. Arrivés en bas, Anton aide Flibidu et Lenka s'approche précautionneusement des deux fées. De plus près, elles sont vraiment dégoûtantes. Même si sa maman et son papa lui ont toujours dit de ne pas juger les gens sur leur apparence, quand même, là, rien ne va. Leurs dents sont presque oranges. Et c'est certain qu'elles ne doivent jamais se les brosser. Leurs cheveux sont pleins de nœuds et de terre et de mousse. Lenka a même aperçu une petite souris en train d'y faire son nid. Elles ont des grands nez très poilus, mais pas seulement à l'intérieur, dessus aussi. Lenka ne savait pas que les nez pouvaient être aussi poilus. Et en jetant un œil par terre, leurs pieds sont comme leurs nez. C'est un peu burque. Elles ont aussi des yeux un peu trop grands, mais ils ont une jolie couleur. Un gris-vert, un peu comme une huître. Lenka décide d'entamer la conversation avec ça comme sujet. En général, les adultes aiment bien les compliments. « Vous avez des très beaux yeux, on vous l'a déjà dit ?»« Bien sûr qu'on nous l'a déjà dit, nous sommes les plus belles de toute la forêt. »« Tout le monde nous aime ici, nous sommes les doucées !» Lenka tortille ses doigts autour de sa besace, elle n'est pas du tout rassurée. La fée déçue la voit faire et elle est soudainement très très intéressée. Elle tend ses doigts griffus vers Lenka. « Qu'est-ce que t'as là ?» Lenka se souvient de quelques affaires qu'elle a fourrées dans le sac en partant à la recherche de Flibidu. C'est peut-être l'occasion de se tirer de ce mauvais pas. Il faut vite trouver une bonne idée. « C'est ma besace avec nos trésors. C'est pas à vous, je les garde !» Les deux fées sont soudainement vraiment très très intriguées. Elles dansent impatiemment autour de Lenka. Lenka serre la besace contre elle comme si elle avait quelque chose à cacher. « Fais voir ta besace. Donne les trésors !» Les gars, mais fais-leur voir! Donne-leur les trésors! Anton se souvient très bien de ce que Lenka a emmené en partant. Des croquettes pour Flibidu, des petits gâteaux, une paire de chaussettes bien propres. Ils sont foutus, c'est sûr. Je veux bien vous donner nos trésors, mais en échange, vous nous mangez pas! Flou! Les deux fées se regardent en fronçant les sourcils. Elles réfléchissent à cette proposition. Elles hésitent vraiment beaucoup parce qu'elles en ont marre de manger des patates à rien. En même temps, c'est bon, les patates à rien. C'est ce qu'elles mangent d'habitude. Elles ont toujours mangé des patates à rien, d'ailleurs. T'en dis quoi, fée déçue ? On les mange pas, mais on leur prend leurs précieux trésors. Ouais, en plus j'avais pas tellement envie de les manger. Ils ressemblent pas du tout à des patates, hein. Lenka sort de son sac la boîte de petits gâteaux en retenant sa respiration. Tenez, c'est un goûter, c'est bon. Oh là là là là là là là là. La fée déçue ouvre la boîte. À l'intérieur, des petits gâteaux en forme de bateau avec de la confiture au milieu. Elle renifle avec leur nez poilu pour vérifier que ça se mange. Ça sent pas la patate! La fée des filles attrape un gâteau bateau et le fourre dans sa bouche. Oh mon sang! Oh, c'est bon le goûter! La fée déçue fait tout pareil. Elle mâchouille toutes les deux en faisant des gros bruits de bouche. Lenka et Anton se disent qu'elles ont l'air un peu occupées avec leur gâteau, alors ils entament un léger mouvement vers la sortie de la clairière. Mais les fées dévorent vite, et elles veulent la suite du trésor. Encore, encore des trésors ! Lenka hésite une seconde, jette un œil dans le sac et sort la paire de chaussettes de la besace. Oh, bon sang de bois ! Chacune des fées attrape une chaussette. Elle les regarde sous toutes les coutures, sans même pouvoir dire un mot, tellement elles sont émerveillées. Mais qu'est-ce que c'est que cette merveille, douce et soyeuse ? Anton se dit que les fées devraient sortir un peu plus souvent de leur forêt. Flibidu se demande probablement s'il reste des croquettes. Lenka, elle, prend un air solennel pour annoncer d'une voix grave. Ce sont des chaussettes, ça se met sur les pieds pour ne pas avoir froid. Elles s'empressent toutes les deux d'enfiler une chaussette sur un de leurs pieds velus. Un air fâché remplace rapidement leur grand sourire dégoûtant. Donne l'autre ! Je veux avoir chaud des deux côtés ! C'est toi qui donne. Ça me va mieux à moi. Une bagarre de gros mots et de moyens mots commence entre les deux drôles de dames. Elles essayent de chipper la chaussette de l'autre, elles roulent partout, super, super énervées. Lenka fait signe à Anton que c'est le moment de partir. Un. Deux. Et ils partent en courant, comme jamais ils n'ont couru. Ils ressortent de la clairière, se retrouvent sur le chemin qui fait peur, et ils courent encore et encore sans se retourner. Ils poussent les branches, sautent par-dessus des grenouilles, ils font tout ce qu'ils peuvent pour mettre un maximum de distance entre eux et les vilaines fées. Tout essoufflés, ils arrivent à une intersection. Ils ne savent pas par où passer. Devant, à droite, à gauche. Ah, impossible de se décider. Mais c'est trop tard. Ils entendent leurs poursuivantes qui ont rapidement remarqué qu'ils s'étaient sauvés. Vite, ils se jettent dans un trou sur le côté du chemin et guettent les pas qui crissent. On vous a retrouvés ! Flibidu court partout, complètement paniqué. Flou, flou, flou ! Tu dois nous donner le reste du trésor ! Donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne ! Et les fées arrachent la besace de Lenka. Elles plongent leurs mains griffues dans le fin fond du sac et en ressortent une poignée de croquettes. Oh, encore du goûter ! Et elles se mettent à mâchouiller des croquettes par poignées. Ce qu'elles n'ont pas remarqué, c'est que le petit dragon n'est pas content du tout que quelqu'un lui mange son dîner. Il se met à briller fort de son étrange lueur rose. Il trépigne sur ses petites papattes et d'un coup... il crache un peu de feu. Un bébé feu de bébé dragon qui fait roussir les poils de nez des fées. Oh, ça picote, ça picote! Leur colère est immense. Elles ne rigolent plus du tout là. Fée déçue soulève le petit dragon du sol. Anton et Lenka ne savent pas quoi faire, c'est la panique. Mais d'un coup, les buissons de la forêt se mettent à bouger. Un, deux, trois, on y va! Anton et Lenka voient sortir de partout des jackalopes. Mais si, les petits lapins avec des petites cornes. Des gnomes, des biches, des sangliers, des farfadets et plein de jeunes centaures. Ils se jettent dans les jambes des fées, ils dansent autour d'elles jusqu'à ce qu'elles tombent sur leur derrière. Et c'est Elops qui guide ce petit monde. Hé, les copains, on n'allait pas vous laisser tomber, grimpez sur les sangliers. Et les voilà qui cavalent le plus vite et le plus loin possible. Anton a dessiné beaucoup de sangliers, mais il n'en avait jamais chevauché. C'est trop bien. Lenka a l'air plus mitigée. Elle s'accroche tant qu'elle peut, allongée sur le dos du sanglier, ses petites mains agrippées aux poils drus de sa monture. Flibidu volait à côté d'eux en agitant vite vite ses petites ailes. Derrière eux, ils entendent les sorcières qui crient pas poliment du tout. « Sapristi de saleté de lapinou ! Arrêtez de me grignoter, les arpions ! Je suis pas une carotte !»« Ah, je veux pas faire du rodéo de centaure ! Posez-moi par terre ! Laissez-moi descendre ! Ma vengeance sera terrible !» Et les voix s'éloignent de plus en plus. Elops fait un signe au sanglier, car ça y est, ils sont en sécurité. Lenka descend bien vite, complètement soulagée que la cavalcade soit terminée. Anton prend un peu plus son temps, un peu triste de quitter son fier destrier. On est à l'entrée de la forêt, vous allez pouvoir rentrer chez vous. On va essayer de calmer les fées. Quand elles sont trop en colère ou trop méchantes, on leur fait un cake aux patates, ça les occupe un peu. Mais quand même, vous l'avez échappé belle. Je vous conseille de mieux surveiller votre petit dragon à l'avenir. Allez, salut les elfounets. Flou flou. Elops et les sangliers font demi-tour et s'engouffrent vers le cœur de la forêt des pas trop trop douces fées. Lenka, Anton et Flibidu se retrouvent au calme et prennent le chemin de la maison. En entrant, ils découvrent maman et papa Grisk qui sont en train de préparer à manger. Anton et Lenka se jettent dans les bras de leurs parents. Pardon, pardon, on a eu si peur. Les fées voulaient nous manger, mais en fait non, parce qu'on n'est pas des patates. Anton et Lenka, ponctués du petit « flou » de Flibidu, racontent leur aventure à leurs parents qui froncent beaucoup les sourcils. « On est privés de cabane ?»« Et de bonbons ?» Papa et maman Grisque se penchent vers les jumeaux et le dragon rose. « Vous nous avez désobéi, et vous devriez être punis. Mais je pense que vous avez eu assez peur pour ne plus recommencer. Oh, »« oui. Oui, oh pardon, papa !» C'est aussi un peu de notre faute. Nous aurions dû partir immédiatement à la recherche de Flibidu. Et pour ça, on vous demande pardon. Ils se serrent fort dans un câlin géant avec Flibidu qui danse autour d'eux en faisant des petits... Flou ! Vous devez avoir faim après toutes ces émotions. On prépare quelque chose ? Un gâteau aux patates ! Voilà, l'histoire est finie. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez-nous 5 étoiles et un commentaire sur votre application de podcast. Et si vous avez des envies ou des idées d'histoire, demandez à vos parents de nous envoyer un email ou un message sur Facebook ou Instagram. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bonjour, je suis Anaïs Roux et j'ai créé pour vous le podcast Neurosapiens qui a été sélectionné cette semaine par Acast pour vous être recommandé. Connaissez-vous réellement votre cerveau, cet outil si précieux qui vous accompagne dans tout ce que vous faites, tout ce que vous dites, tout ce que vous pensez? Dans chaque épisode, je vous révèle des faits tous plus surprenants et incroyables les uns que les autres. D'où vient la sensation de déjà-vu? Quel impact a votre alimentation sur votre cerveau? D'où viennent les rêves? Que se passe-t-il dans notre cerveau quand on a un mot sur le bout de la langue? Vous trouverez les réponses à toutes ces questions et bien plus encore en écoutant Neurosapiens.